Dis-moi, fais une pyramide, je te fais un rond. Je dis que le pire arrive avec les descendants de Pharaon. Je suis qu'un homme, j'ai qu'un ennemi déclaré. Dans leur obscurité, je reste éclairé. Le cœur blindé comme un coffre, je cliffe pas les cafres. Je me gaufre si je les suis, faut que je fasse gaffe. Les moutons meuglent, quand le loup grogne, ils écoutent sans vergogne, les aveugles suivent le borgne. Jusqu'à la fin, nique le maudit, vénère l'unique. Mohamed et Mahdi, ma seule éthique. Les occultes formatent les incultes, détournent les livres saints, offensent nos lieux de culte. Quand d'autres pratiquent avec ostentation, c'est condamnable comme succomber aux tentations. Ils font semblant de prêcher, pour eux c'est capital de péché. La pomme, ils font pas que l'alléger, attends un jour ils seront jugés. Mais nos cervelles serviles aspirent comme des serpillères. On survole l'essentiel, chaque jour c'est pire qu'hier. Tous ces fascistes poussent leur peuple à devenir extrémistes. Si je croyais pas en Dieu comme eux, je serais terroriste. Sioniste, anti-sioniste, mélange pas serviettes et torchons. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire, mais en coulisses ils sont copains comme cochons. Les porcs, au service d'Illuminati, le nouvel ordre mondial pour l'arrivée du faux messie. Dis-moi, fais une pyramide, je te fais un rond. Je dis que le pire arrive avec les descendants de Pharaon. J'ai qu'un homme, j'ai qu'un ennemi déclaré. Dans leur obscurité, je reste éclairé. Dis-moi, fais une pyramide, je te fais un rond. Je dis que le pire arrive avec les descendants de Pharaon. J'ai qu'un homme, j'ai qu'un ennemi déclaré. Dans leur obscurité, je reste éclairé. Chaque jour à la télé, leur messe endort la masse. Quand le pape tend la main, les chefs d'État l'embrassent. Ça fait des siècles qu'ils nous mentent, c'est pas rien. Prier le fils du dieu soleil, chez moi c'est païen. Croisade, baptême forcé, colonisation. Pour l'or, les épices, la canne à sucre ou le coton. C'est qui la prostituée de l'église? Porte située le Vatican, les pédophiles, ils légalisent. La Shoah, traite négrière, soutien aux dictatures. Ils avaient le choix, les traîtres, et pour des sous, ils disent que t'es pur. L'absolution, il ferait mieux de combattre leur ego. Leur solution, nous comparer à des légos. Du business en messe basse, je laisse et médite. Jablesse, ça y est, la messe est dite. Dis-moi, fais une pyramide, je te fais un rond. Je dis que le pire arrive avec les descendants de Pharaon. J'ai qu'un homme, j'ai qu'un ennemi déclaré. Dans leur obscurité, je reste éclairé. Dis-moi, fais une pyramide, je te fais un rond. Je dis que le pire arrive avec les descendants de Pharaon. J'ai qu'un homme, j'ai qu'un ennemi déclaré. Dans leur obscurité, je reste éclairé. Et pour le peuple élu, l'ambiance est maussade. Depuis le début d'Israël, ses dirigeants ont les mains sales. Ok, je donne mon avis, je la ramène là. Et ça changera rien de Tel Aviv à Ramallah. Les Palestiniens, ils tabattent même quand c'est Shabbat. En Palestine, David se prend pour Goliath. Laisse pas une thune, détruis les âmes des hommes. Leur guerre, une carotte pour les ânes désolent. À force de fréquenter aux Russes, tu perds ton aura. Trahis la Torah, tu mériteras ce que t'auras. L'humanité dans la mouise, les 10 commandements s'enlisent. On fait pitié à Moïse pour mieux régner, ils nous divisent. Mettre les croyants à la jaille comme des ordures. Entretenir le chaos pour que le nouvel ordre mondial perdure. En Orient aussi, le pactisme c'est drôle. Ils orientent l'islam parce qu'ils ont le pétrole. Dans leur royaume, leurs sujets rampent. En Occident, ils louent des palaces avec des poufs et du champ. Agissent en vrai boss, en despote. Tandis que leurs gosses avec la jet set fricote. Tellement friqué, du luxe plein la bouche. Tandis qu'il y a des gens confins, c'est qui l'arnouche. Des gratte-ciels érigés comme des idoles. Des îles artificielles vendues à des guignols. Bande dégarée, avec Iblis, c'est mal barré. Tellement sale qu'ils salissent nos terres sacrées. Les maquerelles, dans leur tour de Babel, ils dealent avec Shaitan. Fabrique des Ben Laden, prépare l'arrivée d'Ajax. Ils ont pas honte de mettre de côté la crainte. Je crois qu'ils se trompent, c'est pas ça la guerre sainte. Dis-moi, fais une pyramide, je te fais un rond. Je dis que le pire arrive avec les descendants de Pharaon. J'ai qu'un homme, j'ai qu'un ennemi déclaré. Dans leur obscurité, je reste éclairé.